J'ai vu des gosses vieux avant l'âge. Le rêve en miettes dans le hall du passage. Cartable troué, regard qui s'éteint. Mère fatiguée, père absent le matin. On grandit vite quand le vide nourrit. Quand la rage colle au corps comme un fruit pourri. Les murs parlent fort, la ville ment mal. On apprend la nuit, le cœur en garde fou normal. Ils veulent nos voix, nos genoux, non non. Mais dans nos poches y'a que des raisons. La faim nous suit, la honte aussi. On serre les dents, on crie ici. Enfant du vide, on casse le décor. Enfant du vide, on veut vivre encore. On tourne en rond, mais on tombe pas. Enfant du vide, écoute nos pas. Dans la cage d'escalier, ça compte les pertes. Des frères partis trop tôt, des mères trop alertes. Je vois des petits frères copier les grands. Même blessure, même faim, même sang. Les beaux discours passent sur nos fronts. Comme des pneus brûlés, ça laisse qu'un son. On n'a pas de décor, pas de plan B. Juste des cicatrices à faire rimer. Alors on parle sec, on regarde droit. Pas pour jouer les durs, juste pour rester debout, toi, voir. Ils veulent nos voix, nos genoux, non, non. Mais dans nos poches, y'a que des raisons. La faim nous suit, la honte aussi. On serre les dents, on crie ici. Enfant du vide, on casse le décor. Enfant du vide, on veut vivre encore. On tourne en rond, mais on tombe pas. Enfant du vide, écoute nos pas. Si demain tombe, on le prendra de face. Sans costume, sans masque, sans grimace. On n'est pas né pour baisser la tête. On est la rue qui refuse d'être muette. Enfant du vide, on casse le décor. Enfant du vide, on veut vivre encore. On tourne en rond, mais on tombe pas. Enfant du vide, écoute nos pas.